Bonjour à tous, mon nom est Michael Michaud, chroniqueur à puissance maximale. Et effectivement, comme vous l'avez pu le constater, puissance maximale est en pause estivale en attendant le retour de Sequoia après son déménagement au mois de septembre. Mais nous, toute l'équipe, on continue quand même à regarder l'actualité ludique pour vous. Et moi, personnellement, avec mon collègue Andrew Castegan, on est pas mal là, ces temps-ci, je vous dirais, sur le cas du E3, donc l'exposition de jeux E3. Que tout le monde connaît là, pour les amateurs, où on a les nouveautés qui sont annoncées là à chaque année à Los Angeles. Et j'ai suivi avec Andrew les différentes conférences des gros développeurs. Entre autres, là, ici je vais vous parler particulièrement de Microsoft, Sony et Nintendo, ça, dans l'ordre où je les ai vus. Et je vais vous parler des trois. Je vais vous donner un peu mes impressions de ce que j'ai vu et un peu vous faire un résumé de ce qui a été présenté. Alors, on va commencer tout d'abord par Microsoft. Alors, Microsoft, cette année, nous met ça sur... met vraiment l'emphase sur la Kinect et évidemment sur le peu... avec le côté un peu multimédia de la part de Microsoft. Alors, on a commencé la présentation avec une très... En tout cas, moi, ce que j'ai qualifié d'une trop longue... projection de Call of Duty Modern Warfare 3, très impressionnant malgré tout. Ça va être un très beau jeu, mais on doit rappeler que c'est pas une exclusivité de Microsoft sur la Xbox, mais très beau jeu. Le stage, je pense que dans les trois présentations, le stage le plus impressionnant et le mieux conçu, c'était celui de Microsoft pour la présentation. On y a vu aussi également, après Modern Warfare, Tomb Raider, en fait, on revient, on reset un peu la franchise Tomb Raider pour y présenter une Lara Croft plus jeune, un peu avant qu'elle devienne l'Indiana Jones au féminin qu'on a connu sur la PlayStation 2. Donc, elle va revenir et je vous dirais, d'après ce qu'on a pu voir, ça va être un très beau jeu. Un peu, évidemment, la plupart des gens qui connaissent le type de jeu vont un peu se projeter vers Uncharted, la série Uncharted sur Sony qui est un gros vendeur. On va avoir un peu le même genre d'atmosphère, le même genre d'aventure, mais avec notre Lara Croft nationale. Et le démo qui nous a été montré, la présentation, était très prometteuse. On a aussi Ghost Recon, qui va être assez intéressante, qui nous a été présentée par la gang d'Ubisoft Montréal. Et un autre jeu de tir militaire, qui a l'air intéressant aussi, mais qui réinvente rien. Sauf qu'on avait un petit côté Kinect intéressant, où on pouvait faire customiser les armes avec les mouvements de bras, et aussi, grosse nouvelle cette année pour Microsoft, c'est la reconnaissance vocale dans les jeux qui peut être très utile. Entre autres, là, on a eu une démonstration dans Mass Effect 3 pour justement le dispatcher le monde de notre équipe, de notre team, pour avoir justement des commandes vocales comme ça, disons en roleplay. C'est qu'à la place d'aller cliquer pour le choix des dialogues, mais on y va directement avec la voix, en disant la phrase qu'on veut dire finalement au NPC qui est devant nous. Donc un ajout intéressant effectivement à la Kinect. Je vous dirais que dans ce genre de jeu-là, les jeux de rôle, les jeux de combat, les jeux de les first-person shooters, quand on a des commandes à donner à ses coéquipiers, c'est très très très pratique. Je vous dirais, ça va très vite, ça va mieux qu'en allant chercher les boutons. Puis ça nous permet d'avoir justement des réactions plus rapides au combat. Donc, comme je disais, Ghost Recon, on a aussi vu un petit gameplay de Gears of War 3. Encore là, très intéressant. Réinvente rien, on continue dans la franchise. Il y a des gens qui auraient peut-être aimé en voir plus Gears of War 3, mais quand même, je dirais, un beau jeu. Et aussi une grosse annonce qui est sortie, Halo, entre guillemets 4, qui n'est pas vraiment Halo 4, mais bien Halo Anniversary, qui est pour souligner le 10e anniversaire du premier Halo. Mais en fait, on va ressortir le premier Halo, mais revampé, avec quelques ajouts aussi pour le 10e anniversaire. Donc on va la ressortir sur Xbox 360. Aussi on a eu des démonstrations de Fable 4 et aussi de Forza Motorsport 4. Malheureusement, c'est beaucoup axé, entre autres le Fable 4, ce qu'on a pu voir. D'autres jeux comme Star Wars Kinect aussi qui a été annoncé, qui a été montré. Disneyland Adventures aussi. Les démonstrations Kinect, c'est pas la première année. Andrew Castagan m'en parlait justement hier pendant qu'on regardait les conférences. Les démonstrations Kinect ne semblent pas réelles au E3 pour Microsoft. Là, cette année, on avait des enfants pour le jeu de Disneyland Adventures et ça semblait pas réel, ça semblait pas une vraie démonstration de jeu. Ça ressemblait justement à quelque chose qui avait été pré-filmé au niveau du gameplay, puis que là, on avait des enfants qui essayaient de jouer finalement en avant. Peut-être que c'était vrai, mais ça n'avait pas l'air vrai. Je suis désolé pour les gens de Microsoft, mais ces démonstrations-là n'avaient pas l'air vraies, autant pour Fable 4. Fable 4, ça n'avait pas l'air si mal, mais Fable 4, Star Wars Kinect, Disneyland Adventures, pas convaincant. Au niveau de la Kinect, on est encore dans un jeu terrain, qu'on dit on rails, excusez-moi. Donc on a un chemin, puis ça se fait automatiquement. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est les mouvements pour se défendre, pour attaquer. Mais souvent les déplacements vont être faits pour nous. Star Wars Kinect, moins d'après ce que j'ai pu voir, là, on peut quand même se déplacer là, en utilisant Force Speed, Force Jump, en faisant quelques mouvements devant la Kinect, mais quand même, pas très convaincant. En tout cas. On va y aller par jeu. Donc Fable 4, comme je disais au début, donc la suite là, de cette fameuse franchise. Dans Fable 4, donc c'est un très beau jeu, là, ce qu'on a pu voir lors de la présentation. Ce qu'on a pu montrer finalement, c'est qu'on allait pouvoir faire justement des sorts invoquer des sorts en faisant des mouvements avec les mains. Ça, je trouve ça très intéressant. Pour les jeux de medieval fantasy comme ça, quand on a de la magie en bout de ligne, quand on peut faire les spells comme ça en bougeant les mains, en faisant nous-mêmes les incantations, je trouve ça très intéressant. Mais encore là, on sait qu'il y avait eu des mauvaises critiques pour Fable 3. On va voir ce qui va en être. C'était très beau. On a pu voir, vu à la première personne avec justement les sorts. Mais on n'a pas vu grand-chose à part ça. Donc, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient pour Fable 4. Ça pourrait être intéressant. Et de voir si l'expérience Kinect avec Fable 4 va être efficace et intéressante. Donc, on va passer aussi à Mass Effect 3, qui a aussi intégré la Kinect, comme je disais tantôt, avec la reconnaissance vocale. Et autant pour diriger ses coéquipiers que pour répondre aux questions. Aux questions en jeu. Je veux dire, on est dans la suite des choses là, pour ce qui est de Mass Effect. Donc, un jeu qui a l'air intéressant aussi, qui est dans la continuité de la franchise. Donc, on vient à Star Wars Kinect. Donc, on va jouer un jeune Jedi. On explique. Moi, je vous parle vraiment des conférences. J'ai pas fait de recherche pour tous les jeux en profondeur, mais moi, je vous parle de ce qui a été montré en conférence. Donc, un jeu graphiquement quand même bien, mais c'est surtout, on va avoir justement les contrôles des pouvoirs de Jedi comme le Force Push. Les Force Pull, le Force Jump, Force Speed, tous les pouvoirs classiques de Jedi qu'on a vu dans les différents jeux de Star Wars, on va pouvoir les faire en faisant des mouvements, en sautant pour le jump, en faisant comme un petit dash par en avant pour le Force Speed, pour pousser, disons, un geste rapide de la main vers l'avant, puis on lève les deux mains vers un objet pour le bouger avec Force. Disons le Force Pull pour le diriger, un peu de télékinésie là, pour les gens qui connaissent Star Wars. Mais ça peut être très intéressant. Combat au sabre, je veux dire, on bouge la main pour attaquer. J'avais l'impression que ça suivait pas très bien les mouvements de la personne qui était devant le Kinect. De là, ma question, est-ce que c'était vraiment encore du vrai gameplay qui nous était présenté ou quelque chose de préenregistré au niveau du gameplay? On verra là, quand le jeu sortira. Mais je vous dirais que ça a quand même l'air le fun, sauf que j'ai peur que ça soit très répétitif, comme certains ont dit, entre autres, de Star Wars Force Unleashed. Donc, on verra pour ce qui s'en vient. Pour un peu terminer sur Microsoft, beaucoup de tape à l'œil chez Microsoft pour cette conférence-là. On a axé beaucoup sur la reconnaissance vocale, le Kinect. On a parlé beaucoup de d'intégrer le Kinect à plusieurs franchises très populaires et déjà connues. Mais sinon, il n'y a pas eu de grosses annonces chez Microsoft cette année. Rien de Il n'y a rien qui nous a jeté par terre. Il y a effectivement le retour de bonnes franchises qu'on connaît. La plus grosse surprise, je pense, a été le Halo 4, encore le revampage du premier jeu. Ça a été la plus grosse surprise, selon moi. Mais c'est ça, encore là, beaucoup, beaucoup de tape à l'œil. Ce qui nous a été présenté, il va y avoir de l'évolution là, au niveau de tout ce qui est multimédia sur la Xbox 360, l'intégration avec YouTube, le moteur de recherche Bing aussi qui va être incorporé, un moteur que moi, j'aime pas particulièrement et que plusieurs personnes non plus n'aiment pas. On verra si le résultat va être intéressant. On a quand même vu, encore par reconnaissance vocale, la recherche par reconnaissance vocale dans tous les trucs multimédia de Xbox 360. Donc, on va faire Search Harry Potter. Puis là, ça va nous sortir tout ce qui est rapport à Harry Potter, les jeux, les films, tout ce qui est disponible. Là, va nous sortir ça sur notre Xbox. Ça peut être quand même intéressant. On va avoir aussi plus de films, plus de musique, plus de contenu justement dans ce catalogue Xbox. C'est ce qui nous a été promis. Donc, on vient dans le multimédia, on essaie d'améliorer l'offre multimédia de Xbox comme tous les développeurs. Donc, un peu quelque chose de naturel pour les développeurs comme Microsoft. Alors, on va voir ce que ça va donner. Donc, pas impressionné du côté de Microsoft. Moi, en tout cas, je répète que c'est mon avis. Pas rien de nouveau. La Kinect, on va voir effectivement reconnaissance vocale on va avoir justement quelques jeux dans Ghost Recon qui vont répondre justement en tir à la première personne ou en faire des gestes pour tirer. J'étais pas convaincu, en tout cas pour le genre de jeu de tir, il y a pas de manette, donc faut faire avec ce qu'on a. Donc, pour ma part, Microsoft, beaucoup de tape à l'œil cette année, pas de grandes annonces, des bonnes franchises d'annoncer, mais pour le gameplay, pour l'efficacité du gameplay, puis le fun qu'on va avoir à jouer à ces jeux-là, j'ai hâte de voir finalement, surtout dans les nouveautés comme Star Wars et Fable 4, là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour les autres, on les connaît. On va pouvoir jouer avec notre manette, entre autres, pour Mass Effect 3, mais on va avoir quand même là, la reconnaissance vocale qui est assez intéressante. Donc, on va passer maintenant à Sony. Donc, Sony, moi, je suis... Je vous le dis tout de suite d'entrée de jeu, là, je vais être honnête avec vous, je suis un grand fan de Sony. Malgré les problèmes qu'on a eu, là, qu'on a connu dans les deux derniers mois avec Sony, ben, je vous dirais que je suis quand même un gros fan, donc je vous demande de m'excuser déjà à l'avance pour peut-être mes propos qui seront justement plus partisans, disons. Donc, on va y aller avec Sony. Je voudrais déjà en partant, j'ai trouvé le stage était moins impressionnant que pour Microsoft. Moins de tape à l'œil. Pas eu de problème dans l'un ou l'autre. Il n'y a pas eu de problème vraiment. À part au début de Microsoft, il y a comme une manette de jeu lors de la présentation du démo qui a déconnecté lors de la présentation, ce qui était très drôle. Mais pas de bug majeur pour les deux conférences, là, ni pour Sony non plus. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire, excusez-moi, là, je viens de repenser pour Microsoft. Grosse annonce, la plus grosse annonce, je crois, qui va être compatible avec Kinect, c'est l'arrivée du jeu Minecraft sur la Xbox 360. C'est la plus grosse annonce, effectivement. C'était pas c'est vrai que tantôt j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de surprise, mais j'avoue que pour la Kinect où on n'aura pas de manette, j'avoue que l'expérience Minecraft sans la manette, sans l'écran, sans la souris, sans les boutons, avec seulement nos mains pour diriger, j'avoue que j'ai hâte d'essayer ça. J'aimerais beaucoup, beaucoup essayer ça. Je lance l'invitation donc à notre ami animateur aussi de Puissance Maximale, Vincent Langlois, pour qu'il nous invite tous à l'essayer, qu'on puisse vous en reparler prochainement. En tout cas, quand ça va sortir. Donc, Minecraft, le jeu de la compagnie Mojang, le jeu de la compagnie indépendante, qui fera son entrée sur console exclusivement sur Xbox 360 avec la Kinect, une expérience à laquelle on attend, on a hâte d'essayer ça. Donc, Sony, j'arrive avec Sony, donc une conférence intéressante, je vous dirais, avec aucune surprise encore là, il y a la NGP, la console portable de Sony qui avait été annoncée plus tôt. Maintenant, elle a un nom, la PlayStation Vita, Vita pour vie. Je suis pas convaincu du nom, mais bon, quand même. Donc, on y va. On a annoncé ça hier. On a annoncé plusieurs jeux. La plus grosse surprise, je vous dirais, c'est justement la PlayStation Vita, qui est pas vraiment une surprise. La plus grosse annonce, je vous dirais. Donc, on y va avec Sony, ce qui a été présenté en entrée de jeu. Uncharted 3, ça va être très beau. Ça va suivre la tradition Uncharted. Donc, on va suivre Nathan Drake à travers une autre aventure. Et je vous dirais que ça va être un très, très, très beau jeu. Encore une fois, on a eu une très belle démo. Très belle démo du jeu. Ça va avoir de la gueule. Pour les fans d'Uncharted, vous serez, je pense que vous ne serez pas déçus. Et préparez-vous. Préparez-vous, ça va être une grosse entrée sur PlayStation qui s'en vient. Puis on nous a annoncé aussi que Sony préparait une promotion avec les restaurants Subway pour avoir accès, un accès total à une nouveauté d'Uncharted 3 qui sera le multiplayer. Et la promotion en octobre à surveiller donc avec les restaurants Subway et avec Sony pour vérifier finalement si on va pouvoir avoir accès avec, à ce jeu. Et on nous a assuré lors de la conférence à la version complète du multiplayer d'Uncharted 3. On verra ce qu'il y en est. Sinon, on a Resistance 3 aussi qui a été présenté. Il va y avoir un beau bundle qui s'en vient, je vous dirais, avec avec Resistance 3. Avec, disons, on va avoir un fusil, parce qu'il va être compatible PlayStation Move. On va pouvoir avoir un fusil ou mettre un, vraiment un rifle assez gros. On va pouvoir mettre notre Move. On va être tout équipé. En fait, ce bundle-là va venir avec une nouvelle, une autre nouveauté de Sony qui va être un écran à, 3D PlayStation de 24 pouces qui va être offert à un prix quand même assez intéressant avec un bundle, je vous dirais, de la paire de lunettes, le jeu Resistance 3, un câble HDMI, l'écran et je crois qu'il va avoir le fusil, faudrait vérifier, le fusil pour Resistance 3, tout ça pour 500$. Je vous dirais déjà que l'écran 24 pouces en 3D, ça peut être intéressant déjà à ce prix-là, là, mais on offre un jeu. Je trouve que c'est un bundle très très un petit package le fun là, pour les amateurs. Puis je vous dirais que ça pourrait peut-être m'intéresser, entre autres, pour l'expérience 3D d'un shooter comme ça, comme Resistance 3, qui est un très beau shooter, puis avec la manette. Ah oui, puis si je me rappelle bien, ça va comprendre aussi la manette, une manette Move, puis son le fusil. Si je me rappelle bien, là, je fais ça au lendemain là, de la conférence. Donc, préparez-vous. Ça pourrait être un bundle très intéressant pour ceux qui n'ont pas de télévision HD encore ou ceux qui ont vraiment de l'argent, qui veulent se permettre un petit écran 3D 24 pouces à la maison pour jouer à son PlayStation. Ça serait peut-être un achat intéressant. Autre petit truc intéressant avec cet écran-là, il va pouvoir simuler deux écrans. Je vous explique. Les jeux, disons que vous êtes à la maison, vous êtes deux joueurs qui voulez jouer sur votre console. Vous êtes comme moi, vous n'aimez pas le split screen, donc l'écran séparé en deux. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous avez cette télévision-là, vous avez vos lunettes 3D et ça va simuler deux écrans, donc des couches d'écran comme qui est la technologie 3D finalement. Ben, ça va nous séparer ces écrans-là pour que chacun puisse jouer sur son écran virtuel. On n'a pas vu, c'est une annonce qui a été faite, mais on n'a pas vu ce que ça donnait. J'ai bien hâte de voir ce que ça donne, justement, pour essayer de tester cette nouvelle technologie-là. J'avoue que c'est un gros coup de Sony, ça, par exemple, pour l'écran, le petit bundle avec Resistance 3, très intéressant à surveiller. Sinon, God of War, les titres sur PSP vont être réédités en HD, ainsi que Ico et Shadow of the Colossus qui vont être aussi réédités en 3D. Pour ceux qui veulent rejouer ces jeux-là sur le PS3 en 3D, ça s'en vient. Disons, on continue aussi avec 2K Games qui ont présenté des jeux aussi avec la PlayStation Move. J'avais pas été si impressionné que ça. Ouais, c'est ça pour le NBA on the Move qui est un mode pour leur prochain jeu de simulation de la NBA pour 2K Games. Je vous dis que j'ai pas été. On cible avec la manette. Les gens, le joueur à qui vont faire une passe, mais je trouve que c'est pas assez rapide, pas assez instinctif. On a invité une vedette du basketball, Kobe Bryant, à se joindre à eux pour tester. Ce que j'ai aimé chez Sony, par exemple, qu'on n'a pas vu chez Nintendo, et qu'on voyait que c'était vrai, contrairement à chez Microsoft, on avait l'impression que c'était fake ou pré-enregistré, c'est qu'il y a eu beaucoup de tests, de live démos qu'on a montré aux gens. On n'a pas juste été dans la présentation. Donc, j'ai pas été impressionné par le jeu NBA. Le jeu NBA de 2K Games, très beau jeu. Ça va être un très bon jeu de sport. Sauf que avec le Move, pense pas. Alors, personnellement, je pense pas que ça va être très intéressant. Donc, on continue. Un autre jeu on a beaucoup axé sur la Move à un certain moment de la conférence. Mais je vous dirais que la gros focus de PlayStation, de Sony cette année, ça a été le 3D. D'ailleurs, je voulais dire au début de la conférence, j'ai oublié d'en parler. Au début de la conférence, on a eu des excuses quand même, tout de suite en partant, de la part de la direction de Sony pour ce qui s'est passé récemment. Et ils ont remercié les fans. Ils ont remercié tous ceux qui suivent Sony et qui sont restés fidèles parce que c'était une crise importante. Puis ils ont encore des problèmes. On a vu là, récemment, quand le Welcome Back Package est revenu, ben, il y a eu des problèmes de download. Encore aujourd'hui, le PlayStation Store n'est pas tout à fait stable. Des petits accros encore, mais Sony a pris quand même le temps de s'excuser au début de sa conférence. En même temps, on a pris un peu l'occasion pour torser ça tout de suite pour pouvoir arriver au vif du sujet lors de la conférence pour leurs annonces. Donc, mais quand même, bravo à Sony de l'avoir fait. On va revenir aussi avec la Move. Comme j'ai dit, là, il y avait beaucoup de focus sur la Move et aussi sur le 3D. 3D, on nous a martelé ça pendant au tout début de la conférence. Mais bon, selon moi, le 3D, ça m'impressionne pas encore. C'est pas un incontournable dans mon cas, dans le cas du game, pour mon gaming à moi. Mais bon, on verra ce que ça va donner quand même. Il faut le tester, là, surtout pour Resistance 3, je pense que ça va être une belle expérience. Mais bon, pour que ça vienne le point tournant de sa conférence, je pense pas. En tout cas, on aurait peut-être dû aller justement vers des titres canons. On en a quand même quelques-uns ou vraiment des nouveautés technologiques. Bon, c'est ce qui n'est pas arrivé, mais quand même, des bons titres qui ont été annoncés par Sony, je le rappelle. On va continuer avec la Move, Medieval Move, donc un autre jeu on rails, donc où on va avancer dans un chemin prédéfini, puis on va taper sur des ennemis avec un arc épée ou javelot, je crois. Pas impressionné du tout, en fait, par ce jeu-là. Ça va être plus un prétexte pour utiliser sa PlayStation Move que vraiment un jeu intéressant, selon moi. Ce qui va être un titre qui est très très très le fun, en tout cas la suite d'une franchise intéressante, Infamous 2, est sorti en fait aujourd'hui, donc aujourd'hui là je fais ce petit enregistrement là aujourd'hui le 7 juin 2011, donc au lendemain de la conférence de Sony, aujourd'hui sortait Infamous 2, et pour avoir vu le preview, on n'a pas vu de gameplay malheureusement, mais le preview qui a été montré, ça avait l'air vraiment épique pour les amateurs d'Infamous 2, ceux qui n'avaient pas choisi leur jeu encore pour le Welcome Back Package, le 1 était offert gratuitement, profitez-en, je suis en train de jouer, j'aime beaucoup ça, un jeu de super-héros assez dark. Je dirais, c'est le fun, vraiment le fun à jouer. Le 2, on a pu voir qu'il y a des trucs vraiment qui vont être épiques, des monstres énormes, des nouveaux pouvoirs pour Cole, le héros, ou le méchant. Tout dépendant de ce que vous allez en faire durant votre gameplay. Vous avez un système de karma dans ce jeu-là. Donc, si vous y allez du bon côté, vous serez un héros. Sinon, vous serez... Vous ferez peur à toute la population d'Empire City parce que vous êtes... Mais je crois que dans le 2, ça se passe en Nouvelle-Orléans. Donc, à découvrir Infamous 2, un jeu qui s'annonce épique, une belle suite de franchise. D'autres petits jeux, Starhawk, qui va être un jeu sur... qui va être un jeu sur PlayStation 3, un petit jeu spatial, là, j'ai pas plus de détails que ça. Un jeu qui va être quand même être le fun, un first shooter, comment je peux dire ça, social... qui va avoir un univers assez gros, des créateurs de EVE Online, Dust 514. Il n'y a pas eu trop de détails tant que, par rapport à ce jeu-là, mais ça a l'air d'un beau shooter avec un beau storyline. J'ai hâte de voir ça. Mais c'est un truc que j'ai déploré. Il y avait beaucoup de shooters qui ont été présentés hier, autant chez Microsoft que chez Sony. Je m'attendais peut-être à un peu plus de diversité dans les titres. On va voir tantôt chez Nintendo, ce sera pas le cas. On va avoir de la diversité. Sinon, des annonces comme Saints Row 3 qui va sortir. Une annonce intéressante, un jeu de Star Trek qui s'en vient. Un jeu qui va être évidemment compatible avec la PlayStation Move et aussi qui va être présenté, je vous laisse deviner, en 3D. Oui, ça va être un jeu co-op d'action, action adventure de Star Trek, mais du Star Trek du film de J.J. Abrams qu'on a vu le reset qu'il y a eu il y a pas si longtemps de la franchise Star Trek. Donc un jeu basé là-dessus. On a vu le pré-alpha, ça va l'air quand même intéressant. Un jeu, est-ce qu'on a pu voir un shooter à la troisième personne? Donc j'ai hâte de voir. D'autres titres qui ont été annoncés, on n'a pas eu beaucoup de détails. SSX Snowboard de EA, aussi il va y avoir Need for Speed, The Run, Battlefield 3, qui va être un très très très beau jeu que j'ai hâte d'essayer sur n'importe quelle console, PC, whatever, ça va sortir. J'ai hâte d'essayer ce jeu-là, il a l'air malade pour les amateurs de first person, là, de trucs militaires. préparez-vous, ça va être gros. Le multiplayer aussi a l'air très intéressant. Sinon, comme on en a parlé, quand je vous ai parlé tantôt, il y a eu la PlayStation Vita. Là, vous voyez déjà là, que Microsoft, là, j'en mets beaucoup sur Sony, mais c'est les éléments. Là, je vous sors les éléments, puis c'est pas juste mon avis. Là. Il y a eu beaucoup de stock chez Sony qui est sorti. Donc, la NGP, qui devient PlayStation Vita, qui va être une console avec un touchscreen, deux joysticks analogues, avec une caméra à l'avant et à l'arrière, où vous allez avoir du Wi-Fi et du 3G. AT&T qui va être distributeur exclusif du service internet de la Vita aux États-Unis. L'audience n'avait pas l'air certaine lorsque ça a été annoncé, mais bon, c'est ça qui est ça. Donc Wi-Fi, une console portable qui va être axée beaucoup sur le réseautage social, sur l'échange, sur le multiplayer là, en ligne. Il va y avoir un jeu spécialement Uncharted spécial Vita qui s'appelle Golden Abyss, des images aussi très intéressantes. On va pouvoir utiliser justement l'écran qui est un touchscreen, là, je le rappelle, le 5 pouces. C'est un multi-touchscreen qui va être très très très intéressant pour le gameplay. Donc justement, on voyait hier pour Uncharted, on va déposer notre doigt où est-ce qu'on veut que notre personnage saute, s'accroche. Je veux dire, ça va amener quelque chose au gameplay, ça c'est sûr, quelque chose de très intéressant. J'ai hâte d'essayer ça, mais malheureusement, c'est un peu comme je vous dirais, c'est un peu un paradoxe, parce que récemment, comme j'avais parlé dans une chronique à puissance maximale, il y a un petit gadget intéressant, l'Xperia Play, qui est un téléphone certifié PlayStation avec une manette intégrée sur le téléphone, et c'était justement pour enlever un peu les mains sur l'écran pour nous empêcher de voir. Mais là, ici, on le rajoute justement ces commandes là. Mais bon, c'est pas si grave que ça, je trouve ça juste drôle hein. Par rapport un peu à ce paradoxe-là de Sony. Sinon, on va avoir Ruin, qui a l'air d'être un petit jeu action-based RPG, petit jeu de combat à la RPG où on va pouvoir personnaliser nos personnages, les monter comme on veut, et aussi où on va se battre contre d'autres personnes qui vont monter un peu leur lair, donc leur repère. J'ai hâte de voir, ça va être un petit jeu le fun. Donc, on va beaucoup axer sur le cloud saving pour la PlayStation Vita et le PS3. Question, on va pouvoir tout partager avec le cloud saving. Il y a d'autres titres qui ont été annoncés pour la Vita, Mad Nation Racers, l'éditeur de piste avec le touchscreen, très intéressant. Ça va vite, c'est bien fait, c'est instinctif. On fait ça rapidement, ça donne des très beaux résultats. Sinon, le Sony, là, on peut dire aussi le cloud save, le cross-platform gaming, des belles images pour la PlayStation Vita, là, ça résume pas mal ce qui a été présenté. Little Big Planet sur PlayStation Vita, belle jouabilité qui s'en vient avec le touchscreen, sans farce. Très, très, très, très belle démo qui a été présentée hier, très courte, là, mais quand même intéressante avec le gameplay qui s'en vient. Autre titre annoncé pour la Vita. Ça va être pour la PlayStation Vita, ça va être Street Fighter Cross Tekken qui aura sa version sur PlayStation Vita, également sur PlayStation 3. Et sur la version Vita, quel personnage sera invité à Street Fighter Cross Tekken? Ben, on a notre cher ami Cole de Infamous qui sera personnage jouable dans ce jeu-là. Donc, les prix, PlayStation Vita est annoncé à 250$, donc en fait 249,99$. Pour la version Wi-Fi seulement, pour la performance, pour l'image qui est présentée, pour le gameplay d'une console portable comme ça, les possibilités que le Wi-Fi offre, et je trouve que c'est un prix très raisonnable. Et si vous voulez la version avec le 3G également, donc Wi-Fi et 3G, ce sera à 299,99$. Je dirais que les gens, lors de la conférence, ont l'air d'apprécier beaucoup ce prix-là. C'est quand même assez abordable pour le genre de console portable que c'est. Là, on se rappellera que la 3DS là, de Nintendo était quand même assez dispendieuse. Ben, vous avez quelque chose là, de très performant ici. Pas de 3D, mais quelque chose de très... Ben, en tout cas, pas de 3D à la 3DS, mais quand même, on ne sait pas ce qui s'en vient. S'il y a d'autres titres qui vont être présentés en 3D sur la Vita. Mais quand même un prix très intéressant. Sinon, je vous dirais que la fin de la conférence est ordinaire. Il y a vraiment eu un problème de son sur le live qui était projeté. Mais bon, sinon, c'était, je vous dirais, une bonne conférence qui s'est quand même très bien déroulée. Des bons titres, comme je viens de vous dire, qui ont été présentés. Un bon rythme. La grosse annonce pour PlayStation, évidemment, PlayStation pour Sony, c'est la PlayStation Vita, qui va avoir justement des bonnes, un bon gameplay pour les amateurs de consoles portables. Ça va être un achat considéré, vraiment. C'était très impressionnant ce qui a été montré hier par Sony. Sinon, on passe maintenant à Nintendo, qui a été, selon moi, la meilleure conférence. Et quand tantôt, je vous disais que j'avais un parti pris pour Sony parce que c'est mon genre de jeu. Je trouve que la PlayStation 3 est une belle machine côté multimédia. On a vu qu'Xbox essaie d'arriver justement dans le jeu de façon... on essaie d'être plus compétitif en rajoutant un peu de valeur là, à ces bibliothèques multimédia-là. Puis à sa façon d'y accéder avec la reconnaissance vocale. Sony était là avec des titres intéressants. Je vous dirais, là, je résume pour les deux autres d'avant. Donc, Microsoft... beaucoup de tape à l'œil. On est allé avec la Kinect surtout, mais pas de grosses annonces, vraiment, à part peut-être Minecraft avec Kinect qui va être intéressant. Sony, beaucoup de titres, des franchises solides. Avec la PlayStation Vita, des belles annonces. Pas trop de problèmes, à part le problème de la PlayStation Network qu'on a vu récemment. Sony a quand même assez bien assuré pour leur conférence. Pas de grosses surprises, malheureusement. La Vita, c'était pas vraiment... à part le nom... qui n'est pas vraiment une surprise, mais quand même, une belle annonce. Là, on arrive à Nintendo, qui, selon moi, remporte la palme des trois. On a une compagnie qui est arrivée avec un orchestre pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise Legend of Zelda. Un orchestre et une chorale, c'était très beau, très impressionnant. Pour faire plaisir aux fans, je dirais que Nintendo, ils l'ont l'affaire. Ils l'ont vraiment beaucoup. On a Miyamoto-san, qui est le créateur de Legend of Zelda, qui s'est pointé pour nous parler justement de Zelda, de ce qui allait être offert aux gens pour le 25e, des concerts, entre autres, à travers partout dans le monde, des concerts sur les musiques de Legend of Zelda pour les amateurs qui vont être présentés un peu partout sur la planète pour célébrer. Sinon, il y a des offres pour certains jeux comme les Zelda Skyward Sword pour la Wii dans le temps des fêtes. Il va y avoir d'autres jeux comme ça à faire. J'ai pas tout noté. Ça allait quand même assez vite, mais il y avait quand même beaucoup de jeux de Zelda qui vont être redisponibles sur différentes consoles avec des petits ajouts, dont le plus gros là, qui va être Ocarina of Time 3D sur la 3DS qui va être revampé pour l'occasion. Sinon, on avait déjà un petit tease un peu pour nous amener à rester là, lors de la conférence. On parlait du projet Café qui est la nouvelle console de Nintendo. Mais je vais vous présenter vraiment dans l'ordre de la conférence qui a été présentée. Et je vais faire comme Nintendo. On va arriver plus tard dans cette présentation sur la nouvelle console de Nintendo. Donc, beaucoup de trucs qui ont été annoncés pour maintenant la 3DS. Console qui avait été annoncée l'année dernière au E3, console portable de Nintendo qui fait du 3D sans lunettes. Impressionnant, là, déjà vu, on en a parlé à puissance maximale. Je vous dirais des beaux titres qui s'en viennent. Star Fox, entre autres, un Star Fox qui s'en vient sur la 3DS. Le problème de Nintendo, par exemple, je vous le dis tout de suite en entrée de jeu pour la conférence de Nintendo, pas de démo jouée devant nous. Des présentations vidéo des jeux qui s'en viennent, qui sont en développement, mais pas beaucoup de joueurs de démo gameplay live. On pouvait voir les gens jouer pour nous montrer un peu le jeu en tant que tel. On avait beaucoup de trucs qui avaient déjà été filmés, mais quand même, prometteurs. Et aussi, pour l'autre grosse critique que j'ai face à Nintendo, on arrivera avec la nouvelle console, je vous le dirai. Donc, Star Fox 3DS qui s'en vient, un nouveau Mario qui allie un peu le visuel Galaxy et Mario 64 avec le scrolling des vieux Mario classiques. Il a l'air vraiment bon. Il a vraiment l'air intéressant. J'ai hâte d'y jouer. Un retour de Kid Icarus aussi sur la Nintendo 3DS. Quand même, ça a l'air un jeu assez bien. Déception par rapport à un autre jeu qui s'en vient. Pardon. Qui va être Luigi's Mansion 2 sur 3DS. Moi, j'aimais triper sur Luigi's Mansion. Puis d'après ce que j'ai vu aujourd'hui à la conférence de Nintendo, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. C'est pas mal la même chose, mais dans une autre maison. Donc, pas tant intéressant. Mario Kart, version 3DS, où on va pouvoir modifier nos karts. Je pense que ça va être vraiment... C'est un nouveau Mario Kart, là, carrément. Avec justement la possibilité de modifier nos véhicules. Très intéressant. On parlait tantôt de Star Fox, là, les possibilités que Star Fox va avoir, ça va être contrôler le vaisseau de Fox en bougeant la 3DS au lieu d'utiliser les commandes traditionnelles de contrôle. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout de l'efficacité de ce genre de contrôle-là, mais quand même intéressant. Ce sera à voir à ce moment-là, quand même, mais Star Fox est toujours très bon. Septembre, on parlait de septembre pour Star Fox, c'est du temps des fêtes pour Mario Kart. Des gros titres. Ça a été surprenant. Le retour de gros développeurs tiers, si on veut, pour les machines Nintendo. Le retour de certaines compagnies. Et aussi de franchises qu'on s'attendait pas à avoir. On va avoir Tekken 3D sur la 3DS. On va avoir deux jeux de Resident Evil. On va avoir un jeu de Pac-Man. Ace Combat 3, si je me rappelle bien. Metal Gear Solid. Ça, c'est des jeux qui s'en viennent sur votre 3DS. Pour les intéressés, on voit qu'il y a une entrée de Hardcore Gaming qui s'en vient, et ce n'est que le début, parce qu'avec ce qui s'en vient pour la prochaine console, vous allez voir que ça reste dans l'esprit, enfin, le retour de franchise de Hardcore Gaming sur Nintendo. Sinon, il va y avoir un service de Virtual Console pour la 3DS qui s'en vient également, des vieux jeux classiques, puis on va même donner gratuitement des jeux classiques qui vont être revampés en 3D, j'ai hâte de voir. Et on va donner à tout le monde gratuitement, si je me rappelle bien, je me rappelle pas quand exactement, le classique de NES, Excite Bike, mais version 3D pour la 3DS. J'ai hâte de voir. Aussi dans les nouveautés, il va y avoir dans Pokémon pour la 3DS un Enhanced Pokédex 3D qui va pouvoir vous permettre de changer des informations avec vos amis qui ont aussi des 3DS et aussi aller chercher dans la vraie vie, finalement dans une réalité améliorée, je pourrais dire. Vos informations de Pokémon sur des tags, par exemple, dans la vraie vie, donc qui amène un peu l'expérience de jeu chez nous, dans notre monde réel. Sinon, ben pour bien un peu résumer la 3DS, ouverture avec d'autres développeurs vers le social et le 3D, on joue beaucoup là-dessus avec la 3DS, ça s'en vient avec, comme j'ai dit, des très bons titres qui s'en viennent sur la 3DS cette année. Sinon, et oui, mesdames et messieurs, on y est, finalement, la nouvelle console de Nintendo. Et je vous le donne en mille, le nom que tout le monde avait, c'était le Projet Café. Mais le nom officiel de la nouvelle console est la Wii U. OK, moi aussi, j'étais un peu déçu, mais quand même. Je vous dirais que la grosse révolution de cette... parce qu'on a le mot d'ordre chez Nintendo cette année à la conférence, c'était innovation, et ils sont au rendez-vous, je vous dirais, ils ne mentent pas, parce que la Wii U sera effectivement un nouveau pas vers vers un gaming plus complet. Donc on nous présente une console qui aura, en fait, le gros attrait est la nouvelle manette qui aura un écran de, si je me rappelle bien, de 6.2 pouces, en fait, d'écran sur votre manette. Vous allez avoir la croix directionnelle traditionnelle, les boutons, deux joysticks analogues, vous allez avoir une caméra, un microphone, speaker, vous allez avoir un stylet, ça va vous servir entre autres de tablette graphique aussi. Ça va être la possibilité, vraiment le fun. Vous êtes à la maison, vous jouez à votre Wii U, à un Mario, entre autres, ce qui avait été montré lors du démo, le vidéo. Ah, votre blonde arrive, elle dit « Chérie, je veux écouter Star Academy. Vous autres, vous voulez continuer à jouer, ben vous pouvez transférer votre partie de votre télé jusqu'à votre manette et continuer à jouer. » Option très intéressante. Faut quand même dire que ce n'est pas une console. La manette ne vient pas une console portable. Vous ne pourrez pas jouer à vos jeux de Wii U à votre bureau si vous amenez votre manette. Faut quand même rester dans une certaine proximité de la console. Mais quand même, je veux dire, option très intéressante. Donc, on disait tablette graphique avec tous les options, tout ce que je vous ai dit tantôt, là, la caméra, les speakers, le microphone, tout ça intégré, vraiment intéressant. Les Wiimotes vont être compatibles. Vous allez pouvoir jouer avec vos Wiimotes de votre Wii, parce que en fait, c'est la Wii U, donc on a quand même on continue à utiliser ces manettes-là. Vous pourrez jouer au même jeu, disons, avec une manette de Wii U et votre Wiimote traditionnel, sauf que ceux qui auront la Wii la manette de la Wii U auront des avantages à cause de l'écran qui amène quand même un certain supplément à ce qui est présenté à la télévision. Entre autres, on nous a montré un jeu de Zelda où, à place d'aller dans l'écran de menu à chaque fois pour changer nos items, on y va directement sur notre manette qu'on a entre les mains, puis on n'a pas besoin de poser le jeu. Ça nous enlève un peu de manette, de perte de temps vraiment, mais quand même de petites manœuvres qu'il y a à faire dans le jeu pour ce genre de choses-là, mais on peut le faire directement sur notre manette. J'étais un peu déçu, par exemple, que les images de la manette qui sont présentées sont générées par la Wii U, par cette, on va l'appeler la U là, pour un peu alléger. Donc, c'est la U qui va générer ces images-là. Donc, il n'y a pas vraiment d'indépendance de la manette. J'étais un peu déçu, mais quand même, malgré tout ça. Malgré ce fait-là, c'est vraiment, ça va vraiment être vraiment, c'est vraiment impressionnant. Vous allez avoir la possibilité de faire du vidéo chat aussi, à cause de la caméra. Disons que vous pourrez prendre une photo ou une vidéo avec votre manette, puis l'envoyer en glissant l'image vers votre téléviseur. L'envoyer directement sur YouTube ou sur votre téléviseur pour pouvoir l'écouter sur grand écran. C'est vraiment user-friendly. Ça a l'air user-friendly puis ça a l'air vraiment intéressant. Un gros titre qui a été annoncé, un nouveau Smash Brothers qui va être pour la 3DS et la Wii U qui s'en vient. Et je vous dis que les gens dans la salle étaient très, très, très, très contents. Parce que c'est une grosse franchise, là, Smash Brothers, un jeu de combat avec les personnages de Nintendo, entre autres. Nintendo et d'autres développeurs, dont Sega avec Sony. Donc, une grosse franchise qui revient et qui vont revenir sur la Wii U. Comme je disais tantôt, dans les trucs que vous pourrez voir avec la manette là, qui est intéressant, c'est que disons, vous êtes en train de jouer un jeu de golf, mais vous mettez votre manette à terre avec l'écran, puis vous pouvez voir votre balle directement à terre avec l'environnement qui est autour, puis voir le reste du terrain sur votre télévision. C'est vraiment ça. Quand on dit du 3D, ça c'est du, c'est, on pourrait dire presque du vrai 3D, dans le sens où on voit des éléments en dehors de l'écran. C'est vraiment intéressant. Il n'y avait pas de jeu vraiment complet qui était présenté au E3 cette année. C'était surtout ce qu'ils appelaient des prototypes, des expériences Wii U pour permettre aux gens de voir les possibilités que la console avait. On a demandé à des développeurs tiers de témoigner sur justement l'innovation que représentait la Wii U. Il y avait des gens de EA, des gens de Ubisoft, il y avait des gens de plein d'autres compagnies qui sont effectivement venus témoigner du fait que c'était une machine très intéressante qui amenait des possibilités nouvelles au gaming. Encore une fois, Nintendo a fait fort dans l'innovation. Donc, même le reste de beaucoup de gens du reste de l'industrie sont venus témoigner du fait que c'est une machine très intéressante à travailler qui va amener de nouvelles perspectives de gaming aux joueurs. On a un Super Mario qui est annoncé aussi pour la Wii U, dans lequel nos Mii, donc tout le monde sait c'est quoi un Mii, donc notre personnage qu'on crée, notre avatar dans le système de jeu Wii, ben pourra s'intégrer à ce Super Mario-là et être compagnon des fameux frères Mario lors de ce jeu. Autre franchise qui est annoncée pour la Wii U, Lego City Stories. Donc, du coup, moi, ça m'intéresse plus ou moins, mais c'est quand même, Lego a quand même plusieurs jeux à son actif, avec beaucoup de ventes, dont la moitié sur des systèmes Nintendo. Donc, un gros jeu qui s'en vient pour la Wii U. Et la 3DS, fait marquant de la conférence de Nintendo, c'est le retour de plusieurs, mais le retour, surtout le retour en force avec des gros titres, des grosses franchises sur un système Nintendo. J'ai des exemples ici, entre autres Assassin's Creed, Darksiders 2, Tekken, Batman Arkham City, Ninja Gaiden 3. Ça, c'est des titres qui s'en viennent sur la Wii U. C'est des titres qui s'en viennent sur la Wii U qui vont finalement ramener un peu de titres de hardcore gaming, des titres violents sur un système Nintendo qui va ramener peut-être des joueurs qui avaient quitté Nintendo depuis, disons, la GameCube ou même la Nintendo 64 pour certains. Je vous dirais que avec ça, avec l'innovation de la manette qui a été présentée pour cette console-là, moi, personnellement, je donne la palme de cette année entre les trois grands rivaux de l'industrie, là, on parle de Microsoft, Sony, Nintendo. Je donne la palme à Nintendo pour ces annonces-là. Je suis plus qu'enthousiaste face à ces annonces-là. J'ai hâte d'essayer, j'ai hâte de voir. Gros bémol, par exemple, par rapport à la Wii U, aucun détail technique n'a été dévoilé. Donc, on ne sait pas quelle résolution va être supportée. On nous a parlé quand même, certains représentants nous ont quand même parlé de haute définition. Mais on n'a rien, on n'a aucun détail autre que les démonstrations vidéo qu'on a eues, qui nous ont été montrées. Donc, on ne sait pas la puissance du processeur, la puissance, la définition du graphisme qui va être présentée. Et malheureusement, c'est ça, on s'emballe. Moi-même, je l'avoue, je suis très emballé face aux titres qui s'en viennent sur la Nintendo Wii U, sur la manette qui a été présentée. Je suis très enthousiaste, sauf que, cet enthousiasme-là, ce buzz-là pourrait rapidement être, cette ballonne-là pourrait se dégonfler rapidement si les spécifications de la console ne suivent pas l'industrie, puis on se retrouve encore avec des jeux, certes des titres intéressants, mais avec des graphiques moins intéressants que sur soit présentement la PlayStation 3 ou la Xbox 360. Ça, à la limite, on pourrait bien les prendre, mais on se rappelle qu'il y a Sony et Microsoft aussi qui vont s'en venir avec leur prochaine console d'ici quelques années. La Wii U est annoncée pour 2012. Donc, est-ce que la machine va suivre un peu cette innovation-là du gaming et nous offrir une belle expérience? Ce que la Wii nous offre pas, malheureusement, présentement. Nous offre des expériences de jeu intéressantes, mais l'expérience est pas si belle que ça, malheureusement, sur la Wii. Surtout si vous avez une TV 3D, une TV HD, là, moi personnellement, il y a des jeux sur la Wii que je suis incapable de jouer, c'est trop laid. Donc, est-ce que la Wii U va pouvoir enfin rivaliser avec ses rivales que sont la PlayStation et la Xbox? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de potable pour accoter un peu cette innovation de gaming-là? Je l'espère. Malheureusement, ça n'a pas été annoncé aujourd'hui. On a hâte de voir. Donc, si on peut faire un peu un résumé de ce que je viens de vous dire là, parce que c'est un peu la fin pour la conférence de Nintendo. Il n'y avait pas vraiment d'autres annonces que ça. C'est surtout pour la Wii U. Là, je veux dire, c'est vraiment la grosse annonce, la surprise un peu de cette année au E3. Donc, résumé pour Nintendo. Des beaux titres, des bons titres solides qui vont être présentés autant sur la 3DS que la Wii U. Retour de franchises très intéressantes de Hardcore Gaming sur les deux consoles. Une console, on va développer la 3DS qui est sortie à l'automne dernier. Une console très intéressante. Et on va, en 2012, nous offrir la Wii U, une autre innovation dans le domaine du gaming de la part de Nintendo. Voilà ce qui a été présenté aujourd'hui à la conférence de Nintendo. Donc, selon moi, mon avis personnel, Nintendo remporte la palme cette année au E3 pour ces annonces-là, surtout pour leur nouvelle console qui risque effectivement d'amener le pion à Sony et à Microsoft si l'innovation est accompagnée de puissance, si leur console elle est innovatrice, mais si elle est accompagnée d'une puissance derrière, ben là, effectivement, Sony et Xbox devront faire attention. Sony et Microsoft devront faire attention à Nintendo, parce qu'en plus d'avoir une nouvelle machine très intéressante, ils vont avoir des titres aussi qui vont suivre. Ce qui a souvent été critiqué là, pour Nintendo, là, c'est que pour la Wii, pour la GameCube, il n'y avait pas de titres intéressants pour les hardcore gamers. Maintenant, est-ce qu'on va revoir les hardcore gamers chez Nintendo? C'est ce qu'on attend. C'est ce qui m'a impressionné chez Nintendo aujourd'hui, c'est les titres et la nouvelle console. Mais attendons de voir les spécifications de cette console-là avant de crier victoire tout de suite. Donc, Microsoft, quelque chose de beaucoup de tape à l'œil, pas de grosses nouveautés à part Minecraft, je vous dirais, sur Kinect. Sony, stable, des bons titres, intéressants, des grosses franchises, un peu comme chez Microsoft, mais plus d'annonces encore un peu, selon moi. Nintendo, la surprise avec la Wii U, très impressionné, et les titres qui s'en viennent chez Nintendo.